Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui nous allons de nouveau voyager dans le temps, parce que après un village lorrain dans la Grande Guerre de Marcel, et Joseph, un artilleur dans la Grande Guerre, Olivier Petit revient avec un nouvel épisode historique pour nous parler de Lucie Jacob, une héroïne dans la Grande Guerre. Bonjour Olivier. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir de nouveau aujourd'hui, donc pour ce quatrième livre, toujours historique. Tout à fait. Toujours en parcourant la mémoire de personnes inconnues qui ont aidé leur pays en combattant, ou on le verra avec Lucie Jacob, ou en combattant d'une autre manière que celle que l'on peut penser. Et aujourd'hui, donc, tu viens nous parler de Lucie Jacob qui, elle, a été espionne pour les troupes françaises en 1914. Alors Olivier, comment as-tu pris connaissance du parcours de cette femme incroyable, jeune fille à l'époque parce qu'elle avait 18 ans? Tout à fait, donc 18 ans, très jeune, mais volontaire. Et donc c'est quelqu'un que je connais à la médiathèque de Ludre où je travaille. Ouais. Voilà, donc qui aime cette période-là et qui un jour m'évoque l'histoire de Lucie, sa grand-tante. Et elle avait conservé chez elle les mémoires de sa grand-tante, des photos, des articles de presse. Et du coup, elle m'a confié tout ça. J'ai fait une étude. Ouais. Et donc, j'ai estimé qu'il y avait une vraie valeur historique à délivrer au public par le biais de ce quatrième livre, en fait. Et du coup, ça poursuit mon œuvre d'écriture autour de documents d'archives familiaux qui sont fort intéressants, qui méritent d'être présentés au grand public. Ouais. Sous forme de livres ou d'articles. Bon, là, pour moi, c'est des livres. Voilà. Parce qu'avant ça, c'est des personnes qui ne sont pas... Alors, qui ont peut-être été connues, mais qui ont été oubliées. Mais les lecteurs de la médiathèque où tu travailles, ils savent à force ce que tu fais. Tout à fait. Est-ce que tu as beaucoup de sollicitations? Moi, ça m'intrigue, ça. Est-ce qu'il t'est arrivé de recevoir des pièces et puis bah, tu es obligé de dire aux personnes qui te demandent bah, « Non, là, je ne pourrais pas exploiter, il n'y a pas assez » ou voilà. Alors oui, effectivement, il y a quelques personnes qui m'ont confié des documents donc, que j'ai gardés, ouais. Qui ne peuvent pas constituer un seul livre unique. Okay. Mais j'imagine, dans le futur, faire un ouvrage avec plusieurs témoins. Une espèce de compilation, voilà, en fait, peut-être. À okay. Réfléchir, mais j'ai de la matière pour un autre livre. D'accord. Sur le sujet, avec des bribes d'infos, que ce soit sur les civils, sur les militaires. Ou sur une période temporelle donnée, oui, par exemple. Oui, bien sûr. Donc après, okay. À étudier, mais c'est bien au chaud. Tu gardes. Dans tous les cas, ce sera exploité. Voilà, tout à fait. Ok. Alors, justement, on va reparler un petit peu de Lucie Jacob. Donc, elle est l'aînée d'une fratrie de 8 enfants. Elle a beaucoup de responsabilités dans cette fratrie. Est-ce que son éducation et son rôle d'aîné dans sa famille ont pu jouer un rôle? Parce que tu as mis beaucoup, beaucoup de documents dans le livre, il est très bien illustré. En plus, les photos, je tiens à le préciser, sont propres. Enfin, propres dans le sens où elles sont parfaitement lisibles, en fait. On a l'impression que c'est des photos récentes, donc il y a un vrai travail. Même dans le travail de rédaction, on sent que c'est recherché, c'est poussé. Et en même temps, c'est très accessible pour quelqu'un qui ne pratique pas ou qui ne connaît pas forcément aussi bien cette période de l'histoire. Donc voilà, est-ce que son éducation et son rôle d'aîné dans la fratrie ont pu jouer un rôle dans sa volonté de vouloir aider les troupes françaises qui, en fait, si j'ai bien compris, n'ont pas eu trop à insister pour qu'elle aide, en fait. Elle a dit oui tout de suite. Ah oui, elle était volontaire tout de suite, dès qu'elle a appris que l'armée française voulait faire appel à elle. Donc du coup, elle s'est mobilisée, elle a fait mettre ses parents à l'abri à Blénod-les-Ponts-à-Mousson. Avec donc, le reste de la famille. De la famille. Et elle reste toute seule. Elle revient, en fait. Elle revient toute seule et puis elle dit, bah, moi, je vais vite rentrer toutes les cultures qu'on avait commencées parce qu'au moins, grosso modo, on aura ce qu'il faut quand ils rentreront. C'est ça. Et c'est là que l'armée française la sollicite. Lui demande si elle ne peut pas les aider à fureter, à espionner. Voir où sont les postes allemands, ennemis. Allemands, voilà. Ennemis, pour qu'eux, après, puissent se positionner en fonction. Et surtout, son papa était mobilisé. Hein, il, oui. Il est mobilisé dans un des forts autour de Nancy. Bon, ouais. J'ai pas localisé, malheureusement, le fort. Okay. Et du coup, il y a aussi le fait que le village où elle se trouve, c'était quatre hameaux. Hein, oui. Sont les Ménils. Et Noroît. Oui. Noroît, c'est où elle habitait, en fait. C'est un hameau qui, aujourd'hui, malheureusement, est quasiment inexistant. Il reste un ou deux pans de mur qui a beaucoup souffert. T'as mis des photos, d'ailleurs, hein? Il y a des Il y a des photos, photos. Des cartes postales. Oui. Et, en fait, le village de Léménil, qui constituait ces hameaux-là, était un village frontière. Oui. Donc, voilà. Donc, forcément, elle a été éduquée dès sa naissance, en 1896, parce que côté village frontière, en face de Cheminot, qui était village frontière allemand. J'ai été voir si ce village existait toujours, Il existe Cheminot. Et toujours. il existe toujours. Et il y a une belle église gothique qui a été reconstruite avec des éléments de l'ancienne église Oui. gothique. Donc, si à l'occasion, Et puis, t'as un mis une tour. carte postale dans le livre où on voit des gardes frontières avec C'est des ça. gens de chaque côté, Ils aimaient bien se faire prendre justement. en photo comme ça, les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, avec les poteaux frontières. Bon. Après, on n'est pas très loin de la guerre de En 1870. plus. Et moi, j'avais, voilà, en refermant le livre, je me suis dit, mais en fait, elle a toujours entendu parler de guerre, de combat, de frontières. Donc, c'est quasi peut-être de manière naturelle qu'elle a dit, bah, ok, moi, si je peux être utile, Et puis il y avait l'esprit de allons-y. revanche. Oui, Hein, aussi. les élèves étaient aussi éduqués dans les classes pour cet esprit de revanche après 1870, d'essayer de revenir, de reconquérir les territoires perdus. Oui. Et je pense que Lucie a été baignée là-dedans. Donc Depuis, oui, forcément, depuis sa naissance, depuis sa comme tu le naissance. disais. Et étant dans ce village frontière, peut-être que c'était exacerbé par Ouais. rapport à d'autres. Ok. Donc voilà. Bien. Alors, première coupure musicale de ton choix, Olivier, parce que ce sera Don't Stop the Mind avec Jamie Cullum. Alors, Oui. pourquoi ce titre? Parce qu'on connaît le titre de Rihanna, Oui. l'original, Ouais. que Jamie Cullum a repris en version jazzy. Hein, c'est Alors, un je veux bien jazzman. écouter ça. Donc voilà, donc c'est Ok. pas mal. Ok. Eh bien, on se retrouve juste après. Getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, do you know what you started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into. Are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music. Hand in hand, just a chance. Caprice de lecture sur Fadjet. Deuxième partie d'émission, toujours en présence d'Olivier Petit. Ça va, Olivier ? Parfait. Super. Donc, pour nous parler de Lucie, une héroïne dans la Grande Guerre, qui faisait partie donc, de ces oubliés qui a aidé à l'effort français pendant la Première Guerre mondiale. Alors, je voulais qu'on commence cette deuxième partie par la devise de Lucie Jacob, pardon. Il ne faut songer qu'au devoir. Telle est sa devise. Tu la répètes plusieurs fois, d'ailleurs, dans le livre. Oui. Et d'ailleurs, c'est sur la couverture du livre. C'est la première phrase de ses mémoires. C'est la première phrase de ses mémoires. Alors, moi, je suis... c'est une jeune fille de 18 ans qui dit ça, avec ce qu'on a évoqué auparavant. Avec une telle maturité, moi, je trouve que ça force le respect. Est-ce que c'est un exemple de courage pour nos générations à venir, surtout dans notre contexte actuel ? Ben, c'est un exemple à suivre, en fait. Moi, je trouve ça 18 ans. Ouais, sauf que maintenant, est-ce qu'un jeune de 18 ans, il a, comment on dit, l'envie, le désir de donner de sa personne pour une cause commune. Et puis quelque chose de plus grand que lui. C'est ça. Parce qu'on est vraiment, on est dans une société où on est très très tourné sur nous. C'est quand même assez... L'individualisme. Oui, assez individualiste. Et du coup, donner sa vie pour quelque chose mais de là, plus grand. Là, elle aimait son village. Donc elle voulait, le village, la France, elle voulait pas que les Allemands gagnent en fait. Oui. Donc elle a fait à son niveau, elle a apporté à son niveau de l'aide. C'est sûr, elle n'a pas combattu, mais elle a quand même aidé. Mais une aide qui a été importante, du coup. Tout à fait, décisive. Oui, décisive. Alors justement, après 7 interventions, donc à 7 reprises, elle a été missionnée, ou elle a accepté les missions, on va dire, de repérage de postes ennemis allemands pour permettre à l'armée française d'avancer en fonction ou d'aller les attaquer directement. Elle revient vivre avec sa famille à Saint-Max, oui. Après tout ça. Et à 20 ans, elle reçoit la Croix de Guerre en 1916. Voilà. Pour service rendu. Pour service pour rendu. Pour reconnaître. Alors, elle a 20 ans. je n'ai pas réussi à trouver quel effet ça lui avait fait. On ne sait pas trop, même on toi, dans trop. Les documents qu'on non, t'a remis, il n'y a rien de. Elle n'évoque pas vraiment ça. Je pense que déjà, elle ne pensait pas à recevoir cette croix de guerre, déjà d'une. Elle a reçu des courriers de gens qui la félicitaient. Oui, tout à fait. Mais moi, je m'attendais à voir, parce que tu mets des extraits en plus des courriers, c'est hyper intéressant. Je m'attendais, en tournant les pages, tu sais, à avoir une réponse peut-être de sa part en disant merci ou puis quel sentiment elle aurait pu éprouver. Mais en fait, c'est comme si ça lui était jamais arrivé. Je pense qu'elle a été fière sur le moment de recevoir cette croix de guerre, mais elle ne l'attendait pas. Et comme elle estimait qu'elle avait fait ce qu'il fallait... Elle a fait son devoir. Elle a fait son devoir. Et donc, Lucie Jacob nous a quittés à l'âge de 54 ans. Je trouve qu'elle n'a pas vécu très longtemps. Elle a peut-être des problèmes de santé. Et puis, la voilà oubliée de l'histoire. Alors, à part qu'elle a été... Vas-y, parce que je sais que tu as très envie de le dire. Et puis, je l'ai, grâce à une personne de sa famille, j'ai pu remettre au goût du jour, la remettre en exergue, la remettre en avant pour ce qu'elle a fait. Parce que c'est quand même exceptionnel. Hein, pendant 4 mois, elle va donner de sa personne. Elle va essayer d'aider l'armée française, ce qu'elle va faire. Et le temps passe. Et le fait qu'on m'ait confié ses mémoires, des lettres, des cartes postales, des photos... Bah, j'ai estimé qu'il y avait une vraie valeur il y avait à mettre, quelque chose à faire à mettre cette personne en avant hein, c'est une anonyme entre guillemets oui c'était une anonyme oui voilà comme les autres comme dans mes autres livres précédemment c'était des anonymes qui complètent l'histoire générale et justement tiens sa famille le livre est sorti oui est-ce que tu as un retour de la famille des proches tout à fait donc une partie de la famille certains savaient plus ou moins ce qu'elle avait fait qui avaient entendu parler mais ils n'avaient pas tous les documents complets. Oui, parce que c'est aussi la transmission orale. Alors, quelquefois, il y a des bouts qui se perdent, il y a des bouts rajoutés qui ne sont pas forcément vrais. Elle avait 7 frères et sœurs, donc du coup, eux se sont mariés, ont eu des enfants. Donc là, actuellement, c'est des arrière-petits-enfants, en fait. Certains ont appris, en fait, par le biais de la tante, de la grand-tante, que cette fameuse Lucie faisait partie de leur famille. Et donc, ils ont commandé un exemplaire du livre, parce qu'ils voulaient en savoir plus. Et ceux qui t'ont donné les documents ? T'as exploité la plupart des documents, je suppose. C'est une dame qui habite Ludre, voilà. Qui vient de la médiathèque. Et j'ai essayé de parler d'autres membres de la famille, des cousins germains à elle, savoir si eux n'avaient pas aussi d'autres documents. Oui, ça aurait pu être possible. Personne, à part elle, avait ces documents-là. Donc, c'est exceptionnel. Quoi. Ah, c'est, ouais. qu'elle a pu conserver ça et de me les avoir confiés pour mettre en valeur sa grand-tante auprès même de sa propre famille. En fait. Sa propre famille. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti en écrivant ça, en rédigeant, en regardant les photos, en regardant tout ça? Alors, à chaque fois que j'écris un livre, oui. On va pas être péjoratif, c'est vrai que les gens me confient leurs documents personnels, familiaux, comme ouais. ça, qui me font confiance. Moi, c'est une grande marque de confiance. Et c'est un privilège. Ah oui. Un privilège. Et quand je leur dis que je peux faire un livre sur leur ancêtre, ouais. alors là, ils sont épatés. Ils me disent que j'ai carte blanche, en fait. Ouais, et quand le livre sort, voilà, ils sont... Tu fais un travail de relecture avec eux où ils te laissent vraiment carte blanche et ils ne voient que le final? Ils ne voient que le final. Du coup, ils apprennent des choses. Parce qu'en fait, j'aurais, comme pour tous mes livres, en fait, j'ai pas fait que prendre. J'ai aussi apporté des choses à la famille. Par les propres recherches, en fait. Hein, parce que tu fais des recherches en plus à côté. J'investigue. Je fais mon boulot d'historien, en fait. Parce que j'ai maîtrisé l'histoire. Je rappelle pour la... Oui, oui. Hein, tu nous en parleras. Voilà. Ton caprice de lecture. Maîtrise l'histoire passée à Lyon 2 il y a un certain nombre d'années. Non, c'était hier. Et du coup, effectivement, je ne peux pas publier des mémoires, des carnets de guerre, des lettres telles quelles, en fait. Ouais. Il n'y a pas de travail derrière, il n'y a pas une investigation, il n'y a pas le travail de l'historien, le travail d'investiguer, de compléter. Alors quand tu dis investigation, parce que concrètement, moi j'ai besoin de choses concrètes, oui. Tu as des photos par exemple qui n'ont pas de date ou des courriers ou peut-être des morceaux de courrier ou des notes. Tu fais comment pour aller chercher la source, la dater, la remettre dans le contexte? Moi, ça m'intrigue. Ou alors, c'est des secrets de fabrication qui doivent rester... Ah non, pas du tout. Après, il faut piocher dans les archives militaires, les archives municipales, familiales aussi, mais essayer de, par recoupement, essayer de retomber sur ses pieds, en fait. D'accord. De retomber sur le bon... Comme une opération mathématique, en fait. Une bonne date. Quand elle parle de militaire, à un moment dans ses mémoires, elle ne cite pas les régiments ou peu. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, j'essaie de retrouver quel régiment était sur place. Et ça, elle mentionne des fois un régiment, mais pas tout le temps. En fait. Ou un nom, mais ça ou peut un être... Nom, mais voilà, le lieutenant untel, mais il était dans quel régiment, celui-ci? Donc, du coup, je suis allé dans Mémoire des hommes, sur Internet, où on a tous les journaux de marche des régiments, où on peut retrouver les effectifs, le commandant. C'est eux qui recensent tout ça. Voilà. En fait, il y avait quelqu'un qui était désigné dans le régiment pour noter au jour le jour ce qui se passait. D'accord. Voilà, souvent un sous-officier. Ouais, qui tenait un journal de bord, quelque chose comme ça. Et grâce à ça, et grâce aussi à l'historique qui a été écrit après à la Première Guerre mondiale, des régiments, par recoupement, on peut savoir qui était cette personne-là, dans quel régiment elle était. Et comme ça, on peut compléter, amender. Mais le travail d'investigation, ça peut représenter combien de temps? C'est très variable, en fait. Lucie, ça m'a pris à peu près un an pour l'écrire. Un an. Pour essayer de... D'être plus juste de son histoire et de l'histoire des régiments sur place. Et puis, d'avoir une cohésion logique dans le temps. C'est sûr que celui de Surlutte, ça m'a pris 5 ans. Le premier. Oui. Hein, vu le volume, tu te souviens. Hein, 400 pages. Ok, voilà. Donc un an. À peu près un an. Le temps de récolter les documents. Ouais. De traiter les documents. De faire des recherches historiques par rapport aux archives. Compétant les mémoires de Lucie. Du visuel, des photos, cartes postales. Et après, tu rédiges. Après, je rédige. Après, je fais relire, comme d'habitude. Ouais. Hein. Et voilà, il faut être au plus près de l'histoire de Lucie, parce qu'elle a écrit ses mémoires après-guerre. Ouais. Sans doute. Donc, il y a des bribes, il y a des morceaux qu'elle a dû oublier, où elle était un peu, comment dire, pas tout à fait juste par rapport aux dates. Ou des choses qui lui paraissaient pas importantes, mais oui, qui peut-être le sont. C'est ça. Donc, qu'elle a pas retracé, mais que toi, tu as pu retrouver quand même. Voilà. Par exemple, il y a un jour, par exemple, elle dit qu'elle est sollicitée tel jour, à telle date, alors que c'est le lendemain, en fait. Ouais, elle s'est trompée. Parce que le régiment dont elle parle, il n'était pas là encore. Ok. Mais ça, c'est rien, mais c'est... Après, voilà, elle a écrit ça après coup. Mais toi, tu veux être... Enfin, en ta qualité d'historien, tu veux être au plus juste et c'est normal. Bah, c'est tu vas sur site, voir un peu... J'y suis allé, il y a des photos dans la fin du livre. Où mais tu y vas systématiquement ou pas? Ah bah oui, tout ce que j'ai écrit, j'y suis allé. Tu y vas. Manon Villet, pareil, Balfour maintenant. Bah oui. On est devenus amis avec t'habites là-bas maintenant. Les gens du fort, donc c'est vrai que c'est... Non mais c'est intéressant parce que du coup c'est un fort qui n'a pas été mis assez en valeur par rapport à l'historique de ce qui va se passer après. Voilà. Mais ça, on en a déjà parlé. Dans une précédente émission. C'est ça. D'accord. Et puis, écrire sur Lucie, pour moi, c'était... j'ai toujours écrit sur le côté combattant, à part le premier sur Ludre. Hein, c'est bien de mettre en valeur les femmes, notamment cette jeune femme, oui. Montrer que, bah, qu'elle a été présente pour l'armée française, qu'elle a donné de sa personne. Et tu crois qu'il y en a eu d'autres? Moi, je pense qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu une autre qui a succédé à Lucie, pour la petite histoire. Ouais. Une dame plus âgée, qui avait une quarantaine d'années, qui était native de Pont-Saint-Vincent. Ouais. Et qu'au début de la guerre 14-18, elle s'est retrouvée à Pont-à-Mousson. Et lorsque Lucie arrête de... Tu en parles, là? J'en parle à la fin, oui, il me semble. Oui, mais elle s'est fait prendre. Non, c'est pas elle. Oui, c'est une vraie espionne. Une vraie espionne pour qui les s'est Allemands. Fait prendre, voilà. Par contre, l'autre dont je te parle, c'est une dame qui avait une quarantaine d'années, qui était native de Pont-Saint-Vincent. Ok. Qui, au début de la Grande Guerre, s'est installée à Pont-à-Mousson. Ok. Et lorsque Lucie cesse d'aider l'armée française parce qu'elle a fait son boulot, ouais. Elle se met en route, quoi, entre guillemets. Okay. Et du coup, cette dame-là va faire 13 missions. Quand même. Elle va même aller jusqu'à Berlin, quand même. Et tu vas écrire un livre dessus ou pas? Cette dame-là a écrit un bouquin en 1923. Ouais. Sur ce qu'elle avait fait. Donc, ça remonte, hein. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, il faut que je investigue aussi là-dedans. Bon. Que je retrouve un peu la famille, parce que je sais qu'elle avait eu deux fils. Est-ce qu'ils ont eu une descendance c'est la successeuse. Oui. Allez, on va dire beau, comme mais... ça, c'est pas grave. C'est pas très beau, mais non. De Lucie, oui, elle a déjà été plus âgée, donc plus d'expérience. Oui, mais intéressant du coup, parce que intéressant aussi, tout à fait. Les femmes à leur niveau ont aussi été sur le front, c'est le cas de le dire. Mais c'est marrant qu'elles se sont succédées l'une oui, à l'autre, quoi. Sans le savoir. Elles se connaissaient pas. Je pense que Lucie, elle savait pas que. Elle savait pas. Mais bon, intéressant. Ah, aussi. C'était hyper intéressant. Alors, on va faire une deuxième et dernière coupure musicale, toujours de ton choix, Olivier, de Eric. Bib. Everybody's Got a Right. Bluesman. Ok. Très, très populaire. C'est un blues un peu soft, un peu. Parfois avec des sonorités africaines. Bon, ce morceau-là, non. Mais c'est une figure dans le monde du blues. Hein. D'accord. C'est des musiques qui t'accompagnent quand t'écris, quand tu rédiges, ou c'est juste des musiques comme ça que t'aimes bien et voilà. Non, bah, j'aime bien, mais j'écoute beaucoup de musique. Donc, ouais. Voilà. Parce qu'on a des auteurs qui nous disent bah, ça m'accompagne quand je fais des recherches ou des choses comme ça. Toi, c'est juste parce que t'aimes bien écouter mais ça. Mais je peux écouter de la musique en écrivant ou pas. En fait, il n'y a pas de règles. Ok, ouais, t'as pas de règles particulières. Y a pas de règles. Eh bien, on écoute ce morceau tout de suite et on reviendra juste après pour ton actualité et. Ton caprice de lecture. À tout de suite. Everybody's got a right to walk the way they want to walk. Everybody's got a right to talk the way they want to talk. Got a right to be who they choose to be. Long as they don't hurt nobody, I do believe it. Everybody's got a right to wear the clothes they wanna wear. Got a right to choose the style they wear their hair. Everybody's got a right to call their maker by any name or no name at all. I do believe it. Everybody's got a right to find their way and not have their path blocked on account of their color or their kin. Got a right to justice, not different for black and white. I do believe you believe everybody's got a right to walk where they wanna walk. Walk through any part of town without being apprehended. Everybody's got a right to walk around without worrying about when the sun goes down. I do believe you. Everybody's got a right. I do believe everybody's got a right to be with the one they love. Everybody's got a right to roll, we don't wanna roll. Got a right to be who they choose to be, long as they ain't hurting nobody. I do believe everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a. Everybody's got a right. Everybody's got a right. Everybody's got a. Everybody's got a. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette dernière partie d'émission, pour parler du livre d'Olivier Petit qui est resté parmi nous, donc comme d'habitude, qui est toujours bien avec nous. Donc pour parler de son dernier livre, Lucie, une héroïne dans la Grande Guerre, une vraie héroïne au sens premier du terme, moi je trouve. Alors Olivier, peux-tu nous dire, avant qu'on clôture cette émission et qu'on passe aux caprices de lecture, quelle est ton actualité littéraire, ton actualité de conférences ou ce genre de choses, parce que je sais que tu aimes beaucoup partager ta passion, en plus. Et puis, voilà, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, ce que tu fais dans la deuxième partie de 2025, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je suis sur un cinquième livre. Ok. Voilà, donc, mais autre période, la guerre d'Indochine. Toujours des documents remis par Donc là, c'est une famille de Ludre qui m'a confié une centaine de lettres et une centaine de photos d'un des membres de leur famille. Ok. Qui était sergent en Indochine, qui a eu 5 citations pour fait d'armes et qui est mort malheureusement un mois avant de rentrer en 1954. C'était un vrai guerrier. D'accord. Déjà à 18 ans, il voulait se battre, il voulait. Voilà, c'était quelqu'un. Et c'était son truc. C'était son truc, ouais. Voilà. Ok. Et du coup, c'est, quelque part, c'est un héros, entre guillemets, ça dépend. Comme c'est une guerre de décolonisation, le terme héros n'est pas approprié, on va dire. Donc, c'est un patriote. Ok. C'est quelqu'un qui a voulu y aller au nom de la France, se battre, pour essayer de préserver la présence française en Indochine, mais malheureusement. Ouais. C'était cuit, comme on dit. Donc là, t'es en phase de... Donc là, c'est une commande de la famille. Donc du coup, potentiellement, ça va intéresser d'autres lecteurs, évidemment. Donc là, je suis dessus. Normalement, sorti fin avril et peut-être mi-mai. Ok. C'est une commande de la famille, c'est quelque chose que tu peux éditer en plusieurs exemplaires? C'est quelque chose, un travail très particulier qu'une famille te demande? Ça se là, passe comment? Il y a une trentaine de membres de la famille qui veulent, qui veulent un exemplaire du livre. Ok. Donc du coup... Tu pourrais le proposer, du coup, après, à la vente ou... Oui, voilà. Ça, c'est entendu. Hein. Voilà, après, il y aura peut-être deux versions. Une version avec couverture cartonnée, une demande, et puis une version... plus light, entre guillemets, comme mes autres livres. Donc là, tu es en plein boulot. Je suis en plein boulot. Ok. Okay. Mais c'est intéressant parce que c'est une période que je connaissais moins. Donc du coup, me plonger dedans, c'est aussi intéressant. Et puis, il y a peu de choses écrites sur la guerre d'Indochine et d'Algérie. Ouais. C'est des guerres sales. C'est presque tabou. Hein. C'est des combats hors de la France, sur des territoires qu'on a conquis 100 ans avant et que maintenant, les locaux veulent s'émanciper. Oui. Donc... Et puis, t'as des sergents comme Claude Leduc, qui a donné de sa personne, s'il croyait en la puissance de la France. Un patriote, c'est ce que tu disais. Un patriote, pas un héros, mais un patriote. Oui, un patriote, ok. Voilà. Et il est décédé, malheureusement, peu de temps avant de rentrer. Bon. Voilà, c'est la vie, quoi. Les salons, libres sur la place, peut-être. Les sur la place, peut-être. On croise les doigts. À Lunéville, ça sera en avril. Ouais. Ensuite, il y aura Toul, le salon de Toul. Tu y es tous les ans, je crois, oui, à Toul. Oui, tous les ans. Ouais. Après, il y aura peut-être Saint-Max. Oui, ça c'est plutôt fin d'année, Saint-Max. Ouais, hein. En novembre. Ouais, c'est souvent à cette époque-là. Et puis, des conférences à Tantonville à déterminer dans l'année. présence aussi un rassemblement de personnes costumées en poilus, en vikings, en soldats américains par exemple. Okay. À Tontonville le 9 juin D'accord. cette année. Puis voilà, puis il y a d'autres choses, peut-être à Sarrebourg, une conférence sur le fort de Manonvillé à Sarrebourg. T'es bien occupé, hein. Oui. Et très sollicité. Oui, ça va. Ça va. Et puis j'ai encore deux autres livres en route. Voilà, comme il n'y avait pas assez, je veux dire, allez, on y va. Normalement, un livre peut-être fin d'année, cette année 2025, sur le 69e régiment d'infanterie qui était décédé d'Annecy. D'accord. Donc là, j'ai plein de témoignages, plein de photos. Ouais. Et 2026... sur mon village, Bainville-sur-Madon. D'accord. Et le Fort Pélissier. Ok. Pendant la Grande Guerre, là aussi. Donc là aussi, j'ai plein de documents. Donc ça, les gens du village l'attendent. Donc j'aurais dit sans doute 2026. Oui, tu dois être attendu, je pense, voilà. Là-dessus. Ouais, donc, c'est normal. On va dire que les trois livres donc, sur Claude Leduc en Indochine, sur le 69e régiment d'infanterie de SLN Nancy et sur Bainville-sur-Madon, les trois sont en route. Bien, bien. Alors, Olivier, on peut retrouver ça sur Facebook, tout ça, sur les Facebook, événements. Donc, il y a Olivier Petit, historien, ouais. La page Facebook. Après, j'ai un blog qui s'appelle Patrimoine de Lorraine. Ok. Ouais, il y a plein. Sur Facebook, j'ai 5 pages. Tu réponds sur Facebook s'il y a des gens qui te sollicitent, peut-être des fait. Gens qui nous écoutent et qui vont te dire tiens, moi j'ai un truc de mon arrière-grand-père ou que sais-je, ça peut peut-être l'intéresser. Oui, ben là, j'ai une dame qui va m'envoyer des documents, une dame qui habite dans le Pays Basque. Dont sa cousine qui habite vers Lunéville l'a convaincue d'acheter mes livres. Donc, je lui ai envoyé mes livres. D'accord. Et du coup, elle va m'envoyer un livre de sa famille qui a été écrit sur un de ses grands-oncles en remerciement. Voilà. Donc, j'attends Super. Ce livre aussi intéressant, j'imagine. Bien. Voilà, quoi. Plus tout ce qu'on ne sait pas, les petits bouts comme ça d'histoire que tu laisses de côté au cas où ils peuvent servir. Et voilà. J'ai de la matière et sans doute 2027, il y aura peut-être un bouquin sur. Je reviens à ma formation de médiéviste, on va dire. Oui. Sur la bataille de Nancy, par exemple, Bien. 2027, et d'autres batailles qui ont joué un rôle dans l'histoire de la Lorraine. Ok. Bataille de Bulnéville, bataille de Bar-le-Duc, dont j'ai déjà écrit des articles. Ouais. Dans diverses revues historiques. Voilà. Bien. Donc, à réfléchir, mais c'est dans la boîte. On est bien, là. On est bien. Alors, tu vas nous parler d'un caprice de lecture de ton choix. Aujourd'hui, c'est quoi ? Donc, ça s'appelle « Le Vagabond du Roi » de Michel Labonne, donc dans la collection « Vent d'Histoire ». Ouais. Voilà, donc c'est un bouquin qui fait 300 pages. Hein. OK. Et qui est ce Vagabond du Roi, à votre avis ? Vauban. Vauban, c'est ça. Je l'ai dit avant. Je fais la maline, mais il l'a dit juste avant. Donc oui, Vauban, quand même, c'est quelqu'un assez important. Hein. Oui. D'ailleurs, à Toul, il reste les remparts. Et cet homme qui s'est mis au service de Louis XIV a été un vagabond. Donc il a navigué dans la France pour faire installer des fortifications le long de la frontière pour préserver le royaume de France à l'époque. Et donc beaucoup d'éléments d'architecture sont dus à Vauban. Ok. Et après, c'est un personnage illustre, hein, au même titre que Mazarin, au même titre que... C'était pas très commun à l'époque de passer comme ça en France, un peu partout. Donc là, il existe même une route Vauban. Oui. Qui répertorie tous les... Son parcours ou tout ce qu'il a pu faire construire. Voilà, tout ce qui a pu être construit depuis les Pays-Bas jusqu'à l'Espagne. Hein. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, ce livre-là, donc, Le Vagabond du Roi, de Michel Labonne, présente cet homme comme au service du roi Louis XIV, comme quelqu'un à son service et qui comptait pas ses heures pour satisfaire le roi. Patriote avant l'heure ? C'est ça, on peut dire. Hein ? Un peu. Un bon livre, donc un livre d'histoire, bien sûr, pas un roman, voilà, mais qui se lit bien, qui se lit bien. Facilement. Moi, je pourrais avoir envie de le lire. Tout à fait. Ok, ouais. D'accord. Bon, il n'y a pas d'image. Hein. Je ne lis pas que des livres avec des images. Non, mais c'est vrai que c'est... Après, il y a des périodes comme ça qu'on peut aussi aimer en dehors de... Voilà. Ouais. Là, je suis dans le 14-18 parce qu'en fait, j'ai... Comme je te l'avais dit au tout début, c'est... Le fait que je me sois mis dans le centenaire pour la médiathèque de Ludres, ça m'a mis dans le... Ça a déclenché quelque chose, en fait. Alors qu'auparavant, bah, 14-18, ah ouais, c'était pas tant que ça. Pas tant que ça, quoi. Bon. Bon, bah voilà, c'est chouette. Je suis dedans, mais je vais piocher un peu ailleurs. Ouais, là, si, c'est bien. Super chouette. Voilà, très, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir accordé ce temps pour Caprice de lecture. Merci à toi. Et pour ton quatrième livre, dont je rappelle le titre, Lucie, une héroïne dans la Grande Guerre, que je conseille fortement, parce que au-delà que ce soit une femme dans la Grande Guerre qui a, voilà, qui a accompli des missions qu'on n'attendait peut-être pas d'ailleurs d'une jeune femme de 18 ans, c'est aussi, je trouve, un modèle de courage. Sur plein de domaines et non pas que celui de la guerre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à toi, Olivier, et à très bientôt dans les Caprices de lecture. Au revoir. Au revoir.